c'est raisonnable et toujours très propre sur moi. J'ai constamment mon cartable avec mes cahiers dedans et mes manuels pour étudier des choses intellectuelles et mes manuels de vie sociale et vie professionnelle. M'accueillir chez vous, j'ai de l'imagination et de quoi faire de l'humour avec vos petits garçons. Par contre, il faut que vous aimiez la négligence volontaire, car j'ai de la barbe que je laisse pousser comme un grand-père. Faire des pâtes à la sauce tomate buitoni, je ferai même la vaisselle et puis le karaoké. J'ai bien un petit défaut que j'espère vous me pardonnerez. Je suis le garçon parfait, mais je suis fan de Dieudonné. Dieu donné, balam balam balam Dieu donné, balam balam balam Dieu donné.